Bienvenue dans ce voyage méditatif. Nous allons prendre le temps d'aller explorer des parties de nous-mêmes que l'on repousse parfois, qui nous font peur, qui nous intimident. Ces parties de nous que l'on fuit ou dont on n'aime pas parler. Ces parties de nous que nous enfouissons en pensant qu'ainsi, elles vont disparaître. Mais vous le savez, n'est-ce pas? Qu'elles ne disparaissent pas. Alors ensemble, c'est avec bienveillance que nous allons partir à la rencontre de nos zones d'ombre, que j'aime aussi appeler nos profondeurs. Nos profondeurs, ces eaux plus denses, plus énigmatiques, qui nous questionnent et qui font aussi de nous des êtres complets, des êtres uniques, des êtres merveilleux. Allons voir ce qu'il se passe là-bas. Choisissez une posture assise confortable, voire même une posture allongée si vous préférez. À tout moment, lors de cette méditation, si vous avez besoin d'un peu plus de temps durant le processus, n'hésitez pas à mettre la méditation sur pause quelques secondes. Donnez-vous le temps. À présent, dans la posture que vous avez choisie, laissez les deux paupières se fermer. Les deux paupières se ferment et venez prendre une longue inspiration. À la toute fin, ouvrez les lèvres et expirez. Encore deux fois, inspire par les deux narines et par la bouche, relâche. Et dernière fois, inspirez. Et par la bouche, laissez aller. Parfait. Dans cette posture, vous prenez à présent quelques instants pour observer, juste observer, votre respiration. Et c'est la seule chose que vous avez à faire. Observez la façon dont vous respirez en ce moment même. Par le nez, la bouche. Dans quelle partie du corps particulièrement pouvez-vous ressentir votre souffle qui navigue? Les narines, la poitrine, peut-être l'abdomen, la gorge. Et plus vous observez votre souffle tel qu'il est en ce moment, plus votre présence s'éclaircit. Imaginez qu'en vous concentrant sur votre respiration, le ciel de vos pensées s'éclaircit. Imaginez cet apaisement, ce calme, qui de lui-même peu à peu s'installe dans tout votre être, car vous observez en ce moment même votre respiration. Et vous pouvez sentir d'ailleurs que votre corps se relâche légèrement ici. Particulièrement dans la mâchoire et dans les épaules. Vous pouvez choisir de garder les mains le long du corps ou de déposer une ou deux mains sur toute partie de votre corps qui vous appelle, que ce soit vos genoux, votre abdomen, votre cœur. Prenez quelques secondes pour laisser vos mains se déposer exactement là où votre intuition les appelle. Et avant d'aller plus loin, nous allons reprendre une grande inspire par les deux narines. Et par la bouche, relâchez. Laissez aller. À présent, de seconde en seconde, alors que vous entendez ma voix, qui vous parvient toujours et qui vous guide, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment là. Là, en ce moment même. Et maintenant, imaginez que vous pouvez voir derrière vos paupières une version de vous-même que vous auriez tendance à ne pas vraiment aimer, à juger même. Peut-être que vous vous rappelez un moment, récent ou non, où vous avez agi, réagi, d'une façon qui, avec le recul, vous semble démesurée, injuste, inappropriée. Peut-être que c'est un trait de caractère qui vous vient, une version de vous en colère, jaloux, jalouse, contrôlant. Imaginez derrière vos paupières que vous voyez cette version de vous. Et maintenant, ressentez dans votre corps ce qu'il se passe lorsque vous êtes face à cette version de vous-même. Imaginez que vous êtes à même de ressentir s'il y a des contractions dans une zone de votre corps, une tension, un changement qui apparaît, qui se manifeste. Continuez à respirer. Tranquillement. En continuant à amener le souffle en vous, en ce moment même, vous continuez à observer cette version de vous-même que vous n'aimez pas. Et en respirant, vous venez détendre un instant les nœuds créés par cette version de vous-même dans votre corps, car vous vous rappelez que vous avez un pouvoir incroyable qui est celui de changer le regard que vous portez sur vous-même. Et lorsque vous regardez cette version de vous-même, cette version difficile à accepter, imaginez que vous pouvez ressentir en vous un élan de compassion pure. Imaginez qu'au lieu de juger cette version de vous-même, vous avez envie de l'aider. Vous avez envie de l'aider car vous vous rendez compte que cette version de vous fait partie de vous. Et qu'avant toute chose, cette version de vous a le droit de faire des erreurs. Cette version de vous a le droit d'être pardonnée. Cette version de vous fait également de son mieux, n'est-ce pas? Imaginez que vous pouvez laisser cette idée-là, cette pensée-là, devenir réalité. Cette pensée que cette version de vous peut être pardonnée. Et instinctivement, qu'aimeriez-vous faire? Qu'aimeriez-vous qu'il se passe? Peut-être que la réponse qui vous vient est que vous aimeriez enlacer cette version de vous et lui dire que tout ira bien. Peut-être qu'il y a une parole précise que vous aimeriez lui dire, un geste à faire. Alors, dans cet instant précis, offrez-le-lui, ce geste, cette parole. Allez-y. Imaginez que vous vous voyez aller à la rencontre de cette version de vous-même et que vous faites exactement ce dont elle a besoin afin de se sentir accueillie, pardonnée, en paix avec elle-même. Vous pourriez, si ce n'est pas déjà fait, ramener les mains sur le cœur et ressentir alors ce qu'il se passe lorsque vous regardez vos profondeurs et que vous choisissez de les accepter, elles aussi, comme faisant partie de vous, comme étant une partie de vous qui évolue sans cesse, elle aussi, à travers le temps, les mois, les années. Dans votre cœur, sentez cette bienveillance infinie qui continue à se répandre et battre en vous, autant pour votre lumière que pour vos zones d'ombre. Et venez prendre alors consciemment une immense inspiration. Et avec soulagement, expirez par la bouche. Vous pouvez garder les yeux fermés encore quelques instants. Laissez les sensations se déposer. Laissez les pensées, les émotions également faire leur chemin. Pourquoi pas écrire un instant dans votre journal par la suite? Gratitude pour ce chemin que vous faites. Merci. Et à très vite.